Chapitre 2e, la villa de Ville-d'Avray. Célestine Marbot avait deux domiciles, l'un d'hiver, l'autre d'été. Le premier à Paris, rue Murillo, le second à Ville-d'Avray, dans un charmant cottage qui lui appartenait en toute propriété depuis 4 ans. Le lendemain de la partie qui avait eu lieu entre Flavia et Martineau, Célestine se livrait entre 9 et 10 heures du matin aux douceurs du sommeil dans sa villa, lorsque sa camériste Anastasie, qu'on appelait vulgairement Asie, souleva la portière de sa chambre à coucher. « Le feu est-il à la maison que tu m'éveilles à pareille heure ?» lui demandait l'actrice en s'étirant comme une jeune chatte dont on trouble le repos. « C'est que madame, » fit Asie peu intimidée et avec un malicieux sourire. « C'est que, » répéta Célestine en ouvrant tout à fait les yeux. Son regard tomba sur un pli triangulaire que la femme de chambre lui tendait et il poussa un cri de joie. « Que ne me disais-tu tout de suite » continua-t-elle, « que c'était une lettre de lui. » Ce mot « lui », en dehors de son sens ordinaire, a une signification toute particulière. « Lui », pour certaines femmes, résume le monde tout entier. « Lui » est presque toujours le maître absolu du « moi ».« Lui », enfin, c'est l'aveu de la domination acceptée et subie. Célestine avait pris et ouvert le billet, et elle lut ce qui suit. Aujourd'hui, relâche à ton théâtre pour cause d'un roman subi du premier larynx. J'ai une fringale de campagne, de beurre frais et de goujon frit, ce qui veut dire, ma titine, que je serai ce soir à 6 heures dans ton petit palais de Ville-d'Avray. Si ton fantoche de Duc Octave se présente, renvoie-le à l'école buissonnière. Signé Toto. P.S. Réponse au porteur du présent poulet. Toto était le pseudonyme employé par Martineau dans sa correspondance galante. Un chiffre de papier et un crayon, dit Célestine à sa camériste. Celle-ci alla acquérir les objets demandés. L'actrice griffonna ces deux mots. « Je t'attends. » « Maintenant, poursuivit-elle, mets ma réponse sous enveloppe, porte-la à l'homme et reviens. » Célestine, pendant l'absence d'Asie, relut le billet de Martineau. « Il n'y a que lui pour tourner une lettre de la sorte, » pensait-elle. « Quel style ? Et il n'est pas de l'académie. »« Combien de couverts ? 2, lui et moi. » »« Quel sera le menu ? Potage à la bisque, truite de rivière à la paysanne, caille en caisse, truffe sous la cendre et salade russe. »« Très bien, madame. » Asie se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. « Monsieur le duc doit venir tantôt, » dit-elle. « Madame le recevra-t-elle ? Tu lui répondras que j'ai la migraine. » répliqua sèchement Célestine Marbot. « Pauvre jeune homme !» soupira la camériste. L'actrice accueillit ces mots par un éclat de rire bruyant. Asie leva les yeux au ciel comme pour protester et se retira. « Nièce qu'elle est !» se dit Célestine. « Elle croit encore au prince charmant et à l'amour. Moi, je ne crois à rien. Si, je crois à lui qui est mon maître. » Elle s'enfonça sous sa couverture et se rendormit. Elle dormait encore lorsque la pendule qui sonna 11 heures la réveilla en sursaut. Elle frappa sur un timbre et Asie parut. « Mon bain est-il prêt ?» lui demanda sa maîtresse. « Oui, madame, » répondit la camériste. Célestine Marbot s'enveloppa dans une robe de chambre et passa dans sa salle de bain. Cette salle, dallée recouverte d'un tapis épais, était revêtue, mur et plafond, de plaques de zinc. Une baignoire en marbre blanc et de niveau avec le sol était remplie d'une eau chauffée à 30 degrés. Au-dessus de la baignoire, une grille soudée au plafond laissait échapper, au moyen d'un ressort poussé, une pluie fine et glacée. L'actrice se plongea dans son bain comme une couleuvre dans une jatte de lait. Elle y resta 10 minutes. Asie alors tourna le robinet et la baignoire se trouva instantanément vide. Elle fit jouir aussitôt après le ressort qui mettait en mouvement la douche d'eau froide. Elle jaillit en pluie durant l'espace de 2 minutes, le temps que met un sablier à s'écouler. La baigneuse, ceci fait, passa un peignoir en peluche et se roula dans une immense couverture. Bientôt, une bienfaisante chaleur se répandit par tout son corps, puis elle ferma les yeux et tomba dans une douce somnolence. C'était là le secret de sa jeunesse et de sa beauté demeurée inaltérée. Grâce à ce procédé hygiénique, elle pouvait impunément passer plusieurs nuits dans la fournaise de la vie parisienne. 6 heures sonnaient lorsque Martineau fit son entrée dans la villa de Célestine Marbot. Lorsque Célestine Marbot entendit le bruit des pas de Martineau sur le sable des allées, elle quitta son salon, courut à lui en frappant des mains et lui tendit son front. Les lèvres du journaliste l'effleurèrent à peine. Comment, c'est ainsi que tu m'accueilles ? Lui dit-elle d'un ton de reproche. Que t'est-il donc arrivé ? Dînons d'abord, j'ai une faim de loup. Nous parlerons affaire ensuite, répondit-il. Martineau avait sur la femme les idées les plus singulières. L'amour, selon lui, était un duel qui se terminait toujours au profit du plus fort, et il avait si bien mis cet axiome en pratique que Célestine, si fantasque et si impérieuse avec Octave de Vallombreuse, était souple et sans volonté devant lui. Lorsqu'il eut savouré son café et humé, à petite gorgée, une fuite de champagne sortit des caps de Martel, il alluma un conchas et s'étendit sur les coussins d'un divan. L'actrice s'assit à la mode orientale au pied de son sultan. « Causons maintenant, mon infante, lui dit-il, et d'abord, où en sommes-nous avec ce jobard de duc ? Mon duc m'adore, et il satisfait à toutes mes fantaisies, répondit Célestine Marbot. « Et combien tes fantaisies lui ont-elles coûté ? Reprit Martineau. « En 6 mois, 200 000 francs, sur lesquels tu as mis dans ta caisse personnelle une 40 000 francs. » Martineau haussa les épaules. « Voilà bien, vous autres, avec votre stupide devise, courte, mais bonne. Mais tu sais bien qu'outre ce chalet qui m'appartient, j'ai depuis 2 ans 10 000 francs de rente sur l'État. » Le journaliste prit à rire. « Et que feras-tu de cette misère, ma pauvre chatte ? » poursuivit-il. « C'est à peine si tu pourras, toi qui dévores 300 000 francs année moyenne, payer le loyer de ton appartement. À l'époque où nous sommes, il faut marcher vite, sous peine de rester en route. Nous vivons avec la vapeur et l'électricité, que diable ! » C'était la première fois que Martineau parlait affaire à l'actrice, et elle le regarda avec des yeux étonnés. « Où veux-tu en venir, Toto ? » lui demanda-t-elle. « À ceci. Comme j'ai pour toi quelque affection, je ne veux pas que tu meures sur la paille. Tu as trouvé un filon, il faut l'exploiter, et vivement. Sans cela, gare l'hôpital. » « Mais si je vais trop vite, répliqua Célestine, la duchesse finira par se fâcher. Elle a le bras long, elle pourrait bien porter plainte contre moi et... » « Des bêtises, ma chérie. N'aie aucune crainte à cet égard, » interrompit Martineau. « Du moment que je me mets dans ton jeu, tu auras ce qu'on appelle la carte forcée. »« Tu veux donc m'épouser, Toto ?» s'écria l'actrice en lui sautant au cou. « À bas les menottes, ma fille, et ne disons pas de baliverne, » répondit Martineau d'un ton railleur. « Tu sais bien qu'on n'épouse pas Célestine Marbot. » Célestine eut un serrement de cœur et une larme perla au coin de son œil noir. « Allons, oublie ce que je viens de dire, » continua le journaliste. « Qu'est-ce que je veux ? Assurer ton avenir, voilà tout. Pour en revenir à ton duc, à combien encore se montre sa fortune ? 1 million environ. Eh bien, il faut que dans 3 mois ce million soit croqué. Et quand Octave sera sec, alors j'aviserai, » répondit Martineau d'un ton bref. Célestine Marbot l'écoutait, et sa surprise redoublait à chaque instant. « Tu manigances quelque chose que je veux connaître, » dit-elle, « car tu es trop spirituel pour me donner de pareils conseils, si tu n'avais pas une arrière-pensée. Je te le répète, je veux que tu t'assures un morceau de pain et le reste, pour tes vieux jours. » Célestine réfléchit pendant quelques secondes, puis elle lui répondit, « Je t'obéirai. Dans 3 mois, le tour sera joué. » Les nuages qui avaient assombri un moment le front de Jupiter Martineau se dissipèrent comme par enchantement. Il redevint le jovial garçon qui faisait les délices de l'actrice tout en chatouillant sa vanité. Lorsque 9 heures sonnèrent, il se leva et prit son chapeau. « Tu me quittes ?» lui demanda-t-elle. « Un article que j'ai promis à mon journal et que je vais brocher, » répondit-il. De retour à Paris à 10 heures, Martineau envoya Flavia ce billet laconique. « Célestine est avec nous. D'ici à 3 mois, Octave sera complètement ruiné. »